voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Les soldats de Dieu se prononcent. Les médecins ne savent que penser et donc que faire du cas Annelise Michel. Les médicaments anticonvulsivants ne semblent pas efficaces et l'ajout d'un antinévrotique, des gouttes d'Aolept, ne change rien. La mère de la jeune fille commence à évoquer l'idée de recourir à un prêtre, mais ne se doute assurément pas des difficultés et même des déceptions auxquelles toute la famille sera confrontée dans ses démarches. Théa Hein, une proche des Michel, connaît le père Hermann, qui, mis au courant de l'affaire, recommande de s'adresser à un jésuite du nom de Habiger. Mais après avoir rencontré la famille, celui-ci considère que le cas n'est pas une authentique possession démoniaque et recommande de favoriser à nouveau l'option médicale afin de réapprofondir les examens. Les parents, que l'on imagine bien désemparés face à ce refus, ne baissent toutefois pas les bras et parviennent, une fois encore grâce à l'intervention de Théa Hein, à contacter un autre jésuite, le père Adolphe Rodewijk. Celui-ci, reconnu comme une sommité dans le domaine de la possession et de l'exorcisme, ne confirme pas la réalité du cas, mais remarque que certaines manifestations autorisent tout de même à évoquer l'hypothèse d'une possession démoniaque. Malheureusement, il se dit trop âgé et trop éloigné de Klingenberg, il approche effectivement de ses 80 ans et réside à Francfort, pour accepter de prendre la situation en main. Il conseille donc aux parents d'Annelise de recontacter le père Hermann, lequel va rencontrer une dizaine de fois la jeune fille entre l'automne 1973 et l'été 1975. Un autre prêtre, le père Karl Roth, se montre intéressé par la situation et en discute avec un confrère qui entre ainsi en scène et va se trouver impliqué jusqu'à la mort d'Annelise. Il s'agit du père Ernst Anton Alt, de la paroisse Sainte-Agathe à Aschaffenburg, un des deux exorcistes qui tenteront de libérer la possédée en arguant de la justice divine, mais se retrouveront bientôt face à la justice humaine, accusés de non-assistance à personne en danger. Mais pour l'heure, quatre soldats de Dieu discutent le cas d'Annelise, les pères Roth, Alt, Hermann et Habiger. En même temps, d'autres médecins ou psychologues se posent les mêmes questions. Les docteurs Dietrich Lenner, Irmgard Schleip, Erika Geisler, sans bien entendu avancer les mêmes réponses. Annelise se voit tiraillée entre diable et maladie, entre possession et épilepsie temporale. La fusion des deux hypothèses est impossible, il va falloir opter pour l'une ou pour l'autre. Annelise pense qu'elle est possédée. Théa Hein le pense également. Et le 7 septembre 1975, le père Rodewijk le confirme par téléphone à son confrère Ernst Anton Halt. Le 16 septembre, l'évêque de Würzburg, Josef Stangl, s'appuie sur le titre 8, canon 1151, paragraphe 1, du Code de droit canonique pour autoriser l'exorcisme. Il niera ce point lors du procès, affirmant ne pas avoir été mis au courant de l'affaire. Ayant alors préféré se retirer de ses fonctions, il décédera d'un accident vasculaire cérébral le 8 avril 1979, emmenant son secret avec lui. Mais quelle que soit la vérité, c'est dorénavant dans les mains de soldats de Dieu que se trouve le destin de la jeune Annelise Michel. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.